On va parler de soccer et d'NFL avec Tony Gouzeau. Il a parlé hier, mais c'est une traduction. Salut Tony. Salut Danny, comment On ça va? c'est à chaud. C'est vraiment chaud. On vient juste de sortir du tirage. Quel beau. Il a frappé un maudit beau groupe. M'a dit en affaire, là. Je m'attendais pas que. Moi, je me disais, on a des chances. Dépendamment du groupe, on a des chances de gagner un match, puis pas être figurant comme en 86. Mais là, non seulement on sera pas figurant, mais on a même des chances légitime de sortir du groupe, d'après moi. Ben oui, ben là, c'est tellement drôle. On parle de l'autre football, on va Ouais, parler de on va parler. soccer. Ouais, on va parler de Fait soccer. que non, je suis bien content pour les Canadiens, là, pour le tirage au sort, pour la Coupe du Monde. On a dû attendre au dernier choix, Ouais, là, dernier du show Canada. incroyable, incroyable. Donc, c'était quand même. Il y avait du suspense là, mais dans le groupe avec. La Belgique, le Maroc, puis la Croatie, comme tu dis, j'aime bien où est-ce que le Canada est situé, puis c'est sûr que la Belgique, c'est la nation la plus forte dans ce Ouais. groupe-là, mais tout est Croatie, quand possible même pas de contre la mauvaise Croatie. équipe non plus, là. Non, c'est ça, ben c'est ça, ça va être là qu'il va se Ouais, jouer. c'est entre le Canada et la Croatie. Je pense pas que le Maroc soit impuissant, Donc, mais Canada. Ouais. mais il faut, pour terminer, je pense que c'est une belle expérience, parce qu'on a vu à la fin. Je me demande si les équipes étaient surprises, parce que les Canadiens ont quand même bien joué dans cette phase-là Ouais. de qualification, mais je pense que c'est une belle expérience pour les Canadiens pour le futur, dans le sens que t'sais, ils peuvent connaître des bons matchs, apprendre justement à affronter les grandes puissances. Donc, ça, c'est le fun qu'ils sortent du groupe. Mais ça va être excitant Ouais. comparé en 86, là, où ce Ben, que ouais. t'sais, On on était peut juste dire content qu'il y d'être a. là. On était. C'est ça, on est content d'être là, puis il y a un peu d'espoir si tous les joueurs comme un Alphonso Davies peuvent être là. Ouais, Moi, exactement. j'aime bien la rapidité, j'aime bien le coach Herdman, là, Ah, il fait, puis même Mauro Biello, qui est un de ouais. ses Ouais. adjoints. Fait que sont très stratégiques, ils analysent bien leurs adversaires, ils Ah, préparent des Herdman, bons plans de c'est match. incroyable, là. Puis les joueurs, ils suivent, puis ils respectent ça. Fait que moi, là, en tout cas, ça va être le fun, du beau sport, au mois de novembre, là, Ouais, mais. on va te mêler parce que normalement la Coupe du Monde c'est toujours En en juin, mais là juin-juillet. finalement on fait des chroniques moitié NFL, moitié soccer, mon tourné pour moi. Ouais. Puis là, en plus, ben là, c'est le 14, j'imagine, ça va être tard, là, c'est ça? Je m'en souviens plus avec le décalage horaire, Ouais. là. Je pense qu'il y a 12 heures, je vais sortir ça pendant qu'on parle, là. Ouais. Fait que non, je pense que c'est le Attends, matin. Le décalage heure horaire plus est 14, tard. on va je vais sortir. Là, en ce moment, Il il est est 8h30. 20h30. Donc il y a 7 heures de différence. Plus. Donc il est OK. 20h30 là-bas, mais il est 13h30 au moment où je lance le podcast. 20h30, heure du Qatar. Donc Donc, normalement, des parce matchs, que on là, pourrait il avoir fait des chaud matchs. là-bas, hein? Ouais. Il risque d'avoir un match en ce moment, là, tu sais, Ouais, ou puis pendant la journée, c'est ça. ouais, ouais. Donc, il risque d'avoir le dernier match de la journée, il risque d'être à 2h. Parce que là-bas, il est à 9h, ils font bien des matchs à 8 ou 9h le soir, là, fait Ouais, que. c'est ça. Fait que non, Fait que. ça va être le matin, puis le matin de Ouais, bonne matin et heure. après-midi, ouais, Ouais, c'est matin ça. après-midi, ouais. Ça va ressembler pas mal à ça. Tony, comment t'as trouvé notre entrevue hier? Hey, c'était. Je sais que Capoté. tu étais un peu. Tu étais flabbergasté, comme on dit Ah, en moi, bon regarde. québécois. Ouais, moi, je n'en reviens pas. Mais. Ben, qu'est-ce qui ne te revient pas? Ben, je reviens pas qu'une organisation aussi professionnelle que les. Tu Ouais. sais, t'es pas comme Michel Bergeron dit, dans les loisirs de Saint-Eusèbe, là. Tu sais, quand tu donnes 5 choix de première ronde, il me semble qu'il faut que tu t'assures que ton joueur va jouer, que c'est un investissement majeur. Moi, ce que je reviens pas, c'est que ça, ils se sont pas assurés ça, puis que les joueurs n'ont pas commandé. Et ça en dit long, ça. Ça en dit très long Oui. que les joueurs ne commandent pas une acquisition, une transaction, pas mal la transaction la plus importante de l'histoire des Browns. Ça en dit très, très, très, très long. Écoute, ils disent en coulisses qu'ils ont fait leur recherche, tout ça, mais ça, on va attendre. J'ai l'impression, puis c'est un peu ça que depuis la transaction est faite, puis quand on jase avec Ben Dubonc, puis quand on lit, j'ai l'impression, puis je pense Pete Smith l'a dit hier, c'est que Watson et toute son équipe légale achètent du temps. Ouais. C'est toute une question de temps, mais moi, là, à un moment donné, puis j'ai oublié je l'avais dit avec quand on avait fait l'entrevue avec le gars des Broncos, mais j'aurais dû demander hier aussi. Là, c'est... On avait bien des questions. En tout cas, Deshaun Watson. Les réponses étaient longues. Parce que moi, j'aurais voulu demander. Ouais. J'aurais voulu demander aussi. Est-ce que Stavinsky est assez fort pour. Parce que ça va être un zoo, là. J'aurais voulu lui poser la question. Là, ça va être un zoo. Est-ce que le gars est assez fort pour diriger ce zoo-là? Mais, puis l'autre aspect, c'est toute la pression. T'sais, on parle de Russell Wilson à Denver, qu'il faut qu'il gagne. Parce que, mais Deshaun Watson, il faut qu'il gagne aussi. Il y a de la pression, il faut qu'il performe. Là, ça fait un an qu'il ne joue pas. J'ai demandé, on se souvient, dans le passé, tu as eu Wallet là, comme collaborateur. Il est encore, il nous écrit des fois sur le Blitz NFL. Lui, à Clemson, là, c'est, lui aussi se pose la question, quel genre, est-ce qu'il va être capable de gérer cette pression-là. Mm. Mais oui, c'est toute une organisation, malheureusement, broche à foin, parce que, OK, c'est bien beau de gagner, là, mais ils ne gagnent pas non plus. Ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, ça n'a pas, pas de Christy d'allure. Ouais, hier, je riais, hier, puis c'est pas méchamment, là, mais tu sais, j'ai écouté le podcast de Willy Boivin, là, parce que... Puis que là, que je riais tellement. Pendant l'entrevue, là, je riais. Je repassais à Willy ce qu'il disait sur son podcast, que les Browns, c'était la meilleure transaction de l'histoire, puis que c'était le meilleur corps de l'histoire qui venait d'arriver à Cleveland, puis blablabla. Puis il était excité, moi. Hey, je sais pas si vous l'écoutez, l'entrevue, là, mais. En tout cas, Pete Smith, que... qui est proche des Browns, lui, il avait pas de l'air excité pendant tout. Puis il y a pas grand monde d'excité, puis. Ouais. En tout cas, sais-tu, la meilleure comparaison qu'on peut faire aujourd'hui, Watson fait partie de la génération des nouveaux corps arrière. Ouais. Donc, on a vu l'année passée un Joe Burrow qui a réussi à se rendre jusqu'au Super Bowl. En ce moment, qui tu prends? Deshaun Watson ou Joe Burrow? Ben, Joe Burrow, c'est Tu sais, je veux dire, tu sais, parce que Watson, avec les Texans, là, il y avait quand même des bons éléments. Là, c'est sûr qu'on a blâmé un peu le coaching puis le directeur général qui choisissait pas, ben c'est bien joueur, mais Watson a toujours eu une bonne défensive à Houston avec J.J. Watt et toute la gang. Mm. Il y avait quand même... il y avait même DeAndre Hopkins dans le temps. Puis, tu sais, en tout cas, Danny, une chance que je ne suis pas un fan des Browns. Je me sens un peu mieux comme fan des Dolphins, mais tabarouette, là, ça n'a pas Christy d'allure. Comment tu l'as trouvé, le champ de Tyreek Hill? T'étais malade. Comment t'as trouvé ça? C'est vrai, je peux te faire que c'était bien. Comment t'as trouvé ça? C'est payé cher aussi, hein? Oui, c'est payé cher. Je vais être honnête, c'était une transaction de trop pour Miami, selon moi. Parce que t'as Jalen Waddle qui a connu une excellente saison recrue. On est allé chercher Cedric Wilson à Dallas. Moi, je trouve qu'ils ont bien entouré l'équipe, autant défensif, tout ça. Je trouve que c'est une dépense supplémentaire, puis je trouve que c'est même encore une autre pression supplémentaire à Tua. Mais ça passe ou ça casse, cette année, c'est pas compliqué. Ouais, mais aussi pour le coach, là, c'est beaucoup. Le coach, c'est sa première fois qu'il coach une équipe, parce que comme entraîneur-chef. En tout cas, les éléments sont là, c'est beaucoup de pression. Je pense que c'est Une transaction de trop. Avant de donner des 3-4 choix repêchage, je me posais la question, c'est-tu le joueur qui va nous amener à un autre niveau? C'était ça qui nous manquait pour nous amener au niveau... Non. Ben, Tyreek Hill, non. Non, ah, parce c'est ça. Donc, ça vaut pas la peine de donner 4 choix repêchage pour... Au moins, là, en finale de la conférence. Est-ce que ce gars-là va nous amener en finale au moins de conférence? Peut-être pas Super Bowl, mais en finale de la conférence. Tyreek Hill, je suis pas sûr que c'est ça, puis c'est une question aussi. C'est parce qu'il faut évaluer aussi le reste du corps de receveur, puis moi, je trouvais que le noyau de receveur... toute l'équipe était... Moi, je trouve que toute l'équipe était quand même bien positionnée. C'est une bonne situation pour une première année de coach, parce que, tu sais, je veux dire, comme j'arrive à dire, là, le gars, il arrive avec un nouveau système. Là, tu as un jeune corps arrière, je sais que ça passe ou ça casse. Mais parce que tu as 3 bons receveurs. Fait que s'il y en a un, tu sais, on sait les receveurs, c'est comme des gardiens de but au hockey. Là. Mm. C'est tous des divas. Là. Fait que s'ils n'ont pas le ballon, checkez bien ça. Ah, j'ai pas le ballon. C'était trop. T'as raison. En tout cas. Tu regardes les transactions qui s'est passées dans la NFL. C'est l'enfer cette année. C'était incroyable comment ils ont payé cher. C'est payé très, très cher. Les joueurs, tous les joueurs. Est-ce que c'est des. Parce que je le dis souvent, un premier choix repêchage dans la NFL, c'est C'est beaucoup plus. C'est le sport qui vaut le plus, je pense. Ouais. Puis cette année, cette semaine, c'était aussi la réunion des propriétaires. En tout cas, ils se sont dit peut-être des choses dans les corridors en voulant dire, qu'est-ce que tu as fait là? Je suis sûr que le propriétaire des Browns s'est fait dire, hey, tu donnes un 230 millions de dollars garantis à un prédateur sexuel, sans savoir sans si. Savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis, check, Lamar Jackson est en négociation avec Baltimore. Il a tout à fait, c'est tout à fait légitime qu'il va négocier un gros contrat. Fait que le propriétaire des Ravens, il n'est pas bien ben de bonne humeur envers le propriétaire des Browns. Puis tout ça. Fait que, en tout cas, ça a été. Tu sais, quand on dit March Madness au basketball, ben, ça a été toute une folie dans la NFL. C'est peut-être pas fini. C'est sûr que le gros est important, mais là, avec le repêchage de la NFL qui s'en vient bientôt. Donc, ben, la grosse question, je dirais, où est-ce que Baker Mayfield s'en va, puis où est-ce que Jimmy Garoppolo aussi s'en va? Ben, Baker Mayfield, hier, à la lumière de ce qu'on a dit, probablement qu'il. Mais est-ce que Mayfield va vouloir accepter ça? C'est une autre affaire. Exact, il y a ça aussi. Est-ce que, mais, qu'est-ce ben, que ils vont l'échanger, mais ils vont prendre leur temps. Ça il y en a qui disent que. Parce qu'il y a bien du monde, ce que le journaliste hier nous a affirmé, c'est qu'il y a bien du monde qu'on voit dans les réseaux sociaux disent. Ben, sont tellement désespérés pour l'échanger qu'ils vont peut-être le donner pour rien, Mayfield. Mais à qu'est-ce qu'on a entendu hier? Le pouvoir est peut-être plus vers les Browns. Ils vont prendre le temps parce que, justement, ils ont leur équipe. Fait quoi, comment il s'appelle? Mayfield, qu'il l'aime ou l'aime pas, soit qu'il reste sur le banc ou il va devenir un troisième quart arrière. En tout cas, dans l'équipe. Mais tu sais, ce que Hugues Fauché disait l'autre fois, il disait, moi, j'aurais travaillé sur deux fronts. J'aurais transigé et tout de suite après j'aurais changé. Tu sais, j'aurais comme transigé tout de suite après fait une. Tu comprends? Mais. Pour même... Mayfield? Ouais. Ben, c'est parce que les équipes, ils se posent la question, Danny. Le problème, c'est que Mayfield. Écoute, oui, il a été magané l'année passée. Je ne sais pas si c'est lui qui voulait vraiment jouer blessé ou si c'est l'organisation qui l'a forcé. Ça, on ne le sait pas puis on ne le saura pas encore. Mais Mayfield, en ce moment, il n'a pas fait de preuve. Fait que les équipes, puis. Pour l'instant, Mayfield va être un backup, un substitut. Là. Il ne sera pas un partant dans la NFL. C'est mon feeling à moi parce que moi, il m'a déçu, Mayfield. Il m'a jamais. Puis la façon qu'il s'est sorti aussi. Question d'attitude aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Mais est-ce que Stavansky, c'est une autre affaire? Stavansky, tu calmes. En tout cas, c'est. Mais j'invite les gens encore de réécouter la conférence de presse de Watson. Okay. Et le coach Stefanski, il y avait un malaise. C'était l'enfer. Je vous demande aussi d'écouter la conférence des propriétaires parce que c'est incroyable. Ça a été un geste de communication. C'est incroyable. C'est pire que le Canadien que Logan Mailloux. Hein. C'est même pas comparable. Tu sais, c'est pire que même le CF Montréal avec l'Impact par rapport au changement de logo puis le traitement des fans. Parce que hier, tu as été surpris, mais ça, je l'avais su aussi, c'est qu'il y en a plusieurs qui annulent leur billet de saison. Puis des grands noms, des vedettes dans le showbiz qui avaient des billets de saison à Cleveland, qu'ils ont tout annulé. En tout cas, mais comme on a entendu hier, puis on a tendance à pardonner, à oublier avec le temps, surtout s'ils vont gagner. En tout cas, je suis vraiment pas sûr parce que c'est très mal. C'est incroyable. Changement de propos, Tony, quel bel enfin, il était temps, là, la NFL qui a décidé de changer le règlement, donc en prolongation, durant les matchs éliminatoires. Il y aura chaque équipe aura le droit finalement de toucher au ballon. Ce qui est étrange. Finalement, oui. Puis je suis content qu'il l'ait fait seulement pour les éliminatoires parce que veut pas. La NFL a comme réalisé parce que les statistiques, c'était comme 50-50 pendant la saison régulière. Mais en séries éliminatoires, là. Je pense, ça revenait à 90%, je pense. Parce que justement, tu as le meilleur quart arrière, tu as les meilleures équipes. Fait que si tu gagnes le tirage au sort. Techniquement, tu vas chercher ton point. Fait, non, je suis bien content pour la NFL, finalement, qui est au moins aux éliminatoires, les deux ont la chance d'avoir le ballon. Puis, c'est dans le même style de jeu, dans le même système. Là. Si après, c'est encore l'égalité, ben, il continue. Bruce Arians, qui est-ce que Tom Brady a eu la peau de Bruce Arians? On ne savait jamais, là, mais ben, là, c'est. Ça paraît mal, ben là, lui, Arians, il dit, ben les journalistes ont de la chenoute à écrire, là. Mais Moi, je l'ai toujours dit, si on réécoute un peu mes propos par rapport à Brady quand il a quitté, moi, j'avais toujours cru qu'il s'est dit « OK, les joueurs ne reviendront pas, ils ont tous des contrats d'un an. » Il y a eu de la misère pendant la saison avec Bruce Arians. T'sais, il s'est dit « Ça ne me tente pas de vivre ça. » Moi, je te dirais que le retour, oui, le retour, c'est sûr que là, il paraît bien Arians parce qu'il s'est dit « Je préparais ma retraite. » Mais je ne voulais pas donner une mauvaise équipe sans Brady à mon successeur. Donc là, Brady revient. Fait que je suis content de donner une meilleure équipe à mon successeur. C'est sûr que lui, il a eu des problèmes de santé. Il est quand même... C'est lui le... 69 ans, Bruce Arians? Quelque... Ouais, c'est lui qui est le plus vieux coach à avoir gagné un Super Bowl. Ouais. Non, c'est... je te dirais qu'il y a une relation gagnant-gagnant. Mais pour répondre à ta question... Tout l'aspect Brady, oui, il y a quelque chose derrière tout ça. Ben, c'est clair, là, parce que c'est ça. Parce qu'au début de la saison, Arians, là, quand ils ont gagné le Super Bowl, là, ils voulaient tellement le contrôler, Brady, tout ça, que là, il s'est dit, « Hey, t'as le meilleur joueur au monde de l'histoire de la NFL, là, laisse-les aller. » Mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, tout le monde paraît bien. Puis là, mais ça jase beaucoup, par exemple. Tout le monde pense que Brady a comme poignardé Arians pour quitter son poste, mais dans un autre sens, il a 69 ans. Ouais. Fait que les deux paraissent bien, finalement, au bout de la ligne. OK, Bobby Wagner qui s'en vient, qui s'en va avec les Rams de Los Angeles. Ben, hey, il reste dans la division. Ouais. C'était le dernier à avoir fait partie de la fameuse Legion of Boom là, à Seattle, mais en tout cas, là, il... Les Rams sont en train de nous démontrer un modèle là, tu sais, assez spécial dans le sens qu'ils dépensent de l'argent, ils n'ont pas de choix de capital, des choix de repêchage jusqu'en 2 ans encore là, de première ronde. Fait qu'ils ont beaucoup donné et ils dépensent beaucoup pour avoir encore une meilleure équipe. Donc, c'est un deuxième souffle pour Wagner puis qui pourrait peut-être avoir la chance de gagner un autre Super Bowl avant de prendre sa retraite, mais c'est quand même un bon défenseur. Puis, en tout cas, il y a une équipe qui part de haut et tombe en bas, là, c'est les Seahawks. Là. Ah ouais, les Seahawks, ça va vraiment pas bien. Là, c'est, Est-ce que Pete Carroll va prendre sa retraite? En tout cas, je pense qu'il ne voyait pas venir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis, tu sais, on est rendu au mois d'avril. Là, fait que c'est un peu trop tard. Là. Je suis sûr dans sa tête qu'il aimait ça de partir. Mais ouais. À moi qui aime bien ça de partir à zéro. Mais ouf, ouais. ça va être beaucoup. En terminant, je veux te parler de Laurent Duvernay-Tardif. Écoute, pas de nouvelles encore. L'autre fois, j'ai fait un avec Josiah Briscoe, qui est de Kansas City. Puis, évidemment, il connaît très bien Laurent. Lui, il pense qu'il va signer quelque part au repêchage. Une équipe qui a besoin d'un bon vétéran, d'un bon réserviste sur la ligne offensive. Lui, le problème, c'est que lui veut être encore partant, puis je suis pas sûr que Laurent, tu sais, son année là, qui a perdu, là, c'est un beau geste, mais à quelque part, on l'aime bien, Laurent, mais des Laurents, il y en a partout, il y en a pelleté, puis c'est probablement ça qui a coûté son poste. Hein. Ouais, mais je pense que Laurent, il a tout calculé, là. Le fait d'avoir gagné un Super Bowl, parce que il y a l'autre aspect de sa vie professionnelle médicale. Ouais. Il doit respecter parce les que tu sais pour je pense. Les nombres d'heures puis son attestation de médecin. Fait qu'il est comme un entre deux. Fait que il semblerait. Je pense qu'il a passé la semaine des 4 juillet là, cette semaine. Ouais, okay. Là, puis j'ai pas écouté. Je ne sais pas s'il a parlé de son futur. Là. Ouais. Mais je suis dans la même lignée que qu'est-ce qui a été dit avec. Le gars de Kansas City, c'est que c'est le genre de joueur qui risque d'être signé soit au repêchage ou d'ici le mois de juillet, là, quand tout le monde va, avant de commencer les camps d'entraînement. Mais si Laurent a une décision à prendre, peut-être, tu sais, j'ai l'impression, parce que c'est sûr qu'il va prendre le chemin médical, là, surtout s'il y a des... Parce qu'il y a eu comme une dérogation. Il y a eu une dérogation. Puis probablement qu'il y a une carrière des médias qui l'attend aussi. Là. Ah oui, puis sa fondation va bien. Fait que tu sais, il a sa bague du Super Bowl. Fait que. Oui, effectivement. Il a tout calculé. Là. Ouais, en plus d'être médecin, ben quelque part, probablement que, comme je t'ai dit, les médias l'attendent. Tony, on va s'en reparler probablement vendredi prochain. On va. On devrait rejoindre, parce que la USFL s'en vient. Hein. Dans 2 semaines, c'est le botté d'envoi, là, Le la 16 avril, ouais. USFL 2.0. Je sais qu'il y a quelqu'un des États-Unis qui va nous parler de la USFL également, qui fait un podcast sur la USFL, puis on va se poser la question comment ça fait que pourquoi la USFL réussirait quand les autres ligues ont échoué. Fait que ça va être intéressant de parler de l'avenir également de l'équipe, de la ligue, ainsi de suite. Tout à fait. Ouais. Fait que Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com.